Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo 107FM et aujourd'hui avec nous au téléphone Emma Bignon, responsable communication de la salle de concert Musique Actuelle La Souris Verte à Épinal qu'on ne présente plus. Emma, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Eh bien écoutez, très bien. Eh ben, on reprend super. La saison, donc tout va bien. La Souris Verte entame sa 6e saison, c'est ça? Oui. Alors elle se verra éclectique pour répondre, j'imagine, aux goûts musicaux de tous. Quel est le programme à La Souris Verte prochainement? Eh bien, on commence donc ce week-end notre trimestre septembre-décembre avec un concert d'Alight Tribe. Oui. Alight Tribe, c'est de la trance, hein. C'est quelque chose qui donne envie de danser. Ils ont 6 albums, 4 clips, 500 concerts à leur actif. D'accord. Voilà, ils font un peu électro-instrumental et donc c'est très sympa pour danser. Donc ça, c'est vendredi 27, hein, c'est déjà demain. À quelle heure ça se passe? Ça commence à 20h30 avec une première partie de Moko. D'accord. Électro. Ok, d'accord. Tous les concerts commencent à 20h30 à La Souris Verte, en général? Sauf quelques exceptions où c'est d'accord. 20h, mais c'est rarement. On continue avec le concert qui suivra. Ça se passe samedi 28, c'est ce week-end, avec cette fois-ci Louisville, c'est ça? Voilà, on a Louisville, donc, qui est originaire de Remiremont, d'ailleurs. Oui. Et Lénine Renaud, c'est un co-plateau, c'est une soirée sur le thème de la chanson. Donc Louisville, lui, il a tout juste fait une grosse résidence à La Souris Verte pour travailler son spectacle. Et donc c'était tout naturellement ici qu'il voulait faire sa première date de son nouvel album. Il s'appelle « Et puis demain ». Ok, alors ça continuera, donc là on passe au mois d'octobre. Qu'est-ce que sera proposé? Alors ce sera un mercredi soir, c'est très inhabituel, mais, oui. Mais c'était le seul moment où on pouvait les avoir, c'est les fameux Electro Deluxe qui sont déjà passés il y a quelques années. Donc c'est du funk jazz pareil qui donne vraiment envie de bouger. Et là en fait ils sortent tout juste aussi leur nouvel album, donc la semaine prochaine, et ils font leur nouveau spectacle pour la première fois à La Souris Verte également. Eh ben dis donc, que des exclusivités. Donc là en première partie, il y aura Qu'est-ce qu'ils font, que c'est également un groupe local. Oui c'est ça, c'est un groupe local qu'on a eu pas mal en accompagnement aussi nous ici à La Souris Verte, qui se développe beaucoup et qu'on avait vraiment envie de mettre en avant là pour cette soirée. Quand même des grosses dates avec des belles têtes d'affiche hein, pour cette nouvelle saison. Dans tous les cas, La Souris a quand même à cœur de proposer une belle tête d'affiche pour son public, parce que s'en suivra le 4 décembre, un vendredi, Youssoupha. Tout à fait, Youssoupha qui là propose une version différente de ce qu'on connaît de lui. On va dire que c'est plus acoustique. C'est beaucoup de flow, beaucoup de paroles et il s'entoure en fait d'un violoncelliste, d'un pianiste. Et c'est plutôt un moment intimiste, mais avec des textes très percutants. Donc vous serez les bienvenus à découvrir tout ça. Un nouveau style proposé par Youssoupha en acoustique, ça doit être quand même hyper sympa à écouter et à voir. Ensuite... Ensuite, le samedi 5 octobre, donc le lendemain, nous avons l'esprit du clan, Mugen Style, qui fait sa release party, The Maniacs. Alors c'est du rock metal. Je vais surtout parler de Dogen Style là parce que c'est un groupe aussi local et qui vient de s'entourer d'un producteur anciennement bassiste dans Scorpion. D'accord. Et donc voilà, qui s'est vraiment a eu un coup de cœur pour ce groupe et les accompagne depuis maintenant un an. Et donc c'est pareil, ils ont énormément travaillé leur spectacle, leur nouvel album. Et c'est aussi à cette occasion-là qu'ils vont le faire pour la première fois. Eh bien dis donc, on a bien travaillé à La Souris Verte, on propose de belles choses. Voilà. Alors, le jeudi 10 octobre, ce sera Vodou Game. Vodou Game, voilà, c'est du Vodou Funk, vraiment très très bon musicien sur scène. Oui. Et Boubacar Sissoko, Julien Petit Duo. Donc en fait, c'est un partenariat qu'on a avec le Festival Nancy Jazz Pulsation à Nancy. Oui, ok. Qui propose aussi, il délocalise aussi quelques dates. D'accord. Et donc, ce concert, normalement, va vraiment nous transporter dans un blues funk vaudou. Voilà. Ça a l'air différent. Pour le coup, c'est pas vraiment une tête d'affiche, quoi qu'ils sont connus dans leur milieu, oui. On va dire. Mais voilà, si on essaye aussi de proposer d'autres choses à notre public, et pas effectivement que des têtes d'affiche. Eh ben oui, c'est quand même important voilà, d'amener de la diversité musique au public, qui puisse rencontrer d'autres styles et peut-être avoir un coup de cœur sur un style différent. Le samedi 12, quels seront les artistes présents? Alors, Lane, c'est c'est du rock alternatif. Un combo entre les membres des Thugs à l'époque. D'accord. Et qui s'associe au groupe Daria en recrutant le fils du bassiste des Thugs. D'accord. Et donc, entre le punk rock, le rock indé. Et donc, en première partie, ça devait être Dale, un groupe local, mais ça a fini par s'annuler. Donc, c'est Noise. Un autre groupe du même style. D'accord, ok. On laisse quand même la place au local à la souris verte. Oui, c'est important parce qu'on a beaucoup de missions d'accompagnement des artistes. Tout à fait. Donc nous, on est aussi prescripteurs, on a un rôle de les aider, les groupes locaux, à se développer. Et c'est important de pouvoir leur laisser aussi la chance de faire des premières parties. Et comme tu nous en parlais tout à l'heure, il y a des résidences d'artistes qui se passent à la souris verte. Oui, tout à fait. On leur prête en fait la salle sur plusieurs jours pour qu'ils soient libres de travailler vraiment leur spectacle. Alors c'est pas de la répétition, hein, c'est vraiment travailler la lumière, travailler le son avec un technicien conseil. Ce qui donne place à des spectacles de qualité aussi pour le public. Oui, c'est ça. Et ça, c'est sympa. Alors on finira ce mois d'octobre avec le samedi 19, un showcase Surfing with Joe. Je te laisse en parler. Oui, c'est du rock instrumental, c'est très pointu. C'est un cover de Joe Satriani. D'accord. On va dire que c'est vraiment de la performance, si vous voulez, sur tout ce qui est guitare, batterie. Oui. C'est très très technique. C'est gratuit, hein, ce showcase. D'accord. Et donc c'est avec Pascal Vigny à la guitare, très connu dans le milieu puisque tourne à l'international. Et puis ils ont Joe Satriani, à l'époque, a vendu plus de 15 millions d'albums instrumentaux. Donc, oui. Voilà, c'est quelque chose qu'on. Une pointure. Qu'on reprend. Voilà. Okay. Donc justement, tu nous parlais de la gratuité de ce spectacle. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour la carte adhérent ? Quels sont les tarifs pour assister à certains concerts ? Oui, la carte adhérent, cette année, nouveauté. Oui. On laisse libre aux personnes de choisir un concert gratuit dans toute la saison. Mais là, je ne parle pas du trimestre, hein, c'est vraiment D'accord. Jusqu'à juin, ils ont la possibilité de décider que ce concert-là sera gratuit pour eux. Waouh, d'accord. Ouais. Mais alors la carte adhérent en plein tarif, elle est à 15 euros. Oui. Et pour les étudiants, lycéens, demandeurs d'emploi, c'est 6 euros. Ah oui. Oui, et il faut savoir qu'en un concert, puisqu'on peut avoir un concert gratuit, elle est déjà rentabilisée. Et voilà. Voilà, donc c'est un vrai avantage parce qu'on a à même d'avoir envie de ramener encore plus de public, faire découvrir encore plus la musique et les styles que nous, on espère les plus à même d'intéresser le public. C'est un gros avantage pour cette saison. Et bien oui, n'hésitez pas à prendre cette carte d'adhérent pour pouvoir assister à tous les concerts au sein de la Souris Verte. Alors il y a une programmation qui continue toute l'année. Vous retrouverez toutes les informations que vous souhaiterez sur www.lasourisverte-epinal.fr. Il existe également une page Facebook et on retrouvera eh bien, Emma pour la suite de la programmation de novembre et de décembre. En attendant, eh bien, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site internet pour vous replonger dans toutes les informations que l'on vient de vous donner, avec vraiment de très belles dates déjà pour ce mois d'octobre et le premier concert qui commence avec Ally Tribe et Moko en première partie. On n'oublie pas, merci beaucoup Emma d'avoir répondu à mes quelques questions et une très belle journée. Merci à vous, bonne journée également. Bonne journée et puis un bon début de saison à la Souris Verte.